veux des quatre. On est les chats rouges de gouttière. Oh yeah, Red Cats. Oh yeah, yeah, oh. Oh yeah, Red Cats. On est paré pour une nuit d'aventure. On colle des affiches d'autres idées sur les murs. Pas question pour nous d'abaisser la tête. On est les Red Cats ou en casquette. Je pense quand on embauche.